Là, tu m'entends là? Ouais? Là. C'est décalé toujours? C'est décalé toujours? C'est décalé toujours? C'est décalé. Tu m'entends? Là, bah, moi je m'entends bien dans le logiciel ce coup-ci. Hein. Et quand je mets ma gratte, ça passe pas. Comment se fait-il au même endroit sur le même plug? Bah, je peux faire comme ça, moi, c'est pas gênant. Hein. Ça, là, tu m'entends là? Ben si, normalement, puisque moi je m'entends dans mes haut-parleurs. Ben, tout à l'heure, tu m'as dit que tu m'entends. Là, tu m'entends là? Ouais. Là. Ouais, c'est décalé toujours. C'est décalé toujours. C'est décalé toujours. Ah, y a pas une histoire à enregistrer? Attends, j'ai changé une option dans les là, bah, moi je enregistrements m'entends de bien tout à dans le l'heure. logiciel ce coup-ci. Hein. Dans les Et préférences, quand t'as je mets quoi, ma toi? gratte, ça passe pas. Comment se fait-il au même endroit sur le même plug? Ouais, ça enregistre un Comme ça, truc moi c'est pas distant, gênant. je sais pas où. Allô? Qu'est-ce que t'as dans les autres, dans les préférences? Qui est coché, moi j'ai décoché ça. Bah je voulais pas que ça enregistre sur ma bécane, ça servait à rien. Vas-y, joue.